Pinauder du monde et d'ailleurs. Bonjour et merci d'embarquer ici, dans cet espace. Espace tout petit, tout réduit. Celui d'une radio. Et on va parler de quelqu'un tout petit aussi aujourd'hui. Au sens propre, figuré, et probablement dans tous les sens qu'on puisse imaginer. J'étais très heureux cette semaine de lire quelque chose de super sympa en ligne sur Cargo Cult. Quelqu'un y parlait de l'extraordinaire éclectisme savant et de bon goût que représentait cette émission. Wouhou ! Wow, ça fait plaisir. Mais en même temps, j'ai eu assez peur du mot bon goût. Bon goût. La dictature du bon goût. Vous savez, ça peut aller loin, la dictature du bon goût. Alors du coup, je me suis dit, mais attendez, ici, alors, on peut pas se permettre du mauvais goût. Sachant que le bon goût, c'est est extraordinairement bien relevé par une dose de mauvais goût. Et donc, c'est aujourd'hui. Je me lance après cette quarantaine d'émissions. Enfin, je n'ai pas compté, mais on est bien à cela depuis ces 13 mois d'existence. Ben, il est temps de parler d'un vrai disque de mauvais goût. Mais en parler avec goût et même avec amour. Bienvenue aujourd'hui sur Les Ondes, sur ce disque incroyable, merveilleux, détesté et surtout totalement inconnu ici, mais pas tout à fait ailleurs. God Bless Tiny Tim, par Tiny Tim lui-même. Chef-d'œuvre d'exubérance et de kitsch, paru en 1968. Tiny Tim, vous allez voir, c'est une histoire américaine. Et 100% américaine. Et ça fait de lui un culte assez énorme aux États-Unis et au Japon. Et finalement, pas beaucoup plus ailleurs. Un petit peu en Angleterre, parce qu'il y a forcément une connotation anglo-saxonne et un double entendre constant chez Tiny Tim que je vais m'empresser de justifier maintenant. Mais évidemment, le truc n'a jamais touché la France. Et ça ne pouvait pas. Alors c'est qui, c'est quoi Tiny Tim? Eh bien écoutez, une voix de fausset. Il parle comme ça. Deux, un ukulélé. Et trois, il n'y a pas. Il n'y a que ça. Ukulélé et voix de falsetto. Et une carrière énorme qui a couru jusqu'à la mort de Tiny Tim en 1996. Mais enfin, qui a été spécialement au pinacle avec ce premier album de 1968, God Bless Tiny Tim. Alors oui, soyez prévenus, on va rentrer dans un kitsch absolu. Le paradoxe, mais c'est finalement le paradoxe constant du kitsch, c'est que les fans de Tiny Tim sont évidemment là où on ne les attend pas. Aujourd'hui, des groupes comme Deer Hunters ou Animal Collective. Avant eux, les Residents ou Gomper von Beethoven. Donc on est dans des esthétiques à la fois low-folk, underground et des stratégies underground à tous les niveaux. Quand bien même Deer Hunters ou Animal Collective sont plus spécialement des groupes underground aujourd'hui, mais enfin voilà, ils sont un petit peu aussi là, les représentants vivants d'une contre-culture actuelle et les passeurs de quelque chose. Donc quand un nom comme Tiny Tim surgit un petit peu au hasard d'interview de l'un et l'autre, on peut se demander pourquoi. Et finalement, on va vite comprendre que chez Tiny Tim, il y a un contre-emploi permanent qui font que la figure la plus kitsch peut aussi être validée par les dictats de l'underground le plus restrictif quasiment. Alors Tiny Tim, je vais m'empresser de présenter rapidement ce que c'est, mais j'insisterai même sur sa biographie parce que c'est un roman, c'est complètement extraordinaire. Et probablement pas d'ailleurs toute sa biographie, en fait celle qui nous intéresse et puis qui nous amène finalement aux conditions de la naissance de cet album en 1968. Donc Tiny Tim, pour déjà le situer de façon générique, c'est quelqu'un qui va reprendre des chansons oubliées, des crooners à mamie de l'entre-deux-guerres. C'est quelqu'un qui va piocher dans des partitions totalement désuètes de vaudeville et ajouter à ça un look plutôt freak. C'est un freak au sens où l'entendent les résidentes, hein, justement. C'est-à-dire un self-made freak. Un freak qui se serait fait lui-même. Et bien sûr, pour compléter cette posture esthétique, bah, ajouter la voix de falsetto et le ukulélé. Et nous voilà effectivement avec un produit totalement inédit, contre-culturel et en même temps super pop. L'album du jour, God Bless Tiny Tim, et c'est le premier hein, de Tiny Tim, il en fera pas mal, hein, mais c'est vraiment celui-là qui est essentiel et c'est celui-là qui fait l'histoire, sort en 1968 sur le label Reprise. Alors, Reprise, c'est un label qui est assez éclectique, mais il faut se rappeler qu'à l'origine, c'est un label fondé par Frank Sinatra, Reprise, en 1960. Bon, c'est un label qui est en fait vite chapeauté par Warner, donc c'est pas un label strictement indépendant, mais c'est quand même une maison de disques au départ, voilà, fondée par bah, Sinatra. Ce fameux disque comprend la chanson qui a rendu Tiny Tim célèbre, Tiptoes Through the Tulips. Et aussi une version de I Got You Baby, qui est totalement parodique, assez incroyable. Mais autour de ça, d'autres reprises, parce que Tiny Tim n'a toujours chanté que des reprises, et uniquement des reprises, mais des reprises de chansons totalement obscures, en fait. Et c'est assez étonnant que ça va avoir un succès, en fait. Mais même assez dingue, assez dingue. Ça va amener Tiny Tim sur les planches de Las Vegas et sur des gros shows de télévision. C'est unanimement salué aux USA, alors que je vous le dis uniquement aux USA. Je crois que en 68, l'année de parution de l'album, God Bless Tiny Tim est numéro 7 dans les ventes d'albums en 1968 aux États-Unis. Il est certifié ainsi par le Billboard comme 7e dans les charts pop, quoi. Et pourtant, alors, ce disque s'est empressé de se faire oublier, j'ai envie de dire. Il a été réédité plutôt tardivement, en fait, seulement à la fin des années 90, et encore uniquement au Japon. Et puis finalement, plus tard dans le monde et en Europe, en format augmenté, mais en 2013 seulement, c'est assez récent. Avec d'ailleurs, et c'est assez amusant, une réactivation du mythe de Tiny Tim grâce à un épisode de Bob l'Éponge. Parce que le fameux « Tip Top of the Tulips » apparaît dans un épisode de Bob l'Éponge. Alors, qui c'est ce fameux Tiny Tim? Bon, déjà, il ne s'appelle pas comme ça, vous vous en doutez. Il naît en 1932 à New York, sous le nom de Herbert Buckingham Corey. Voilà. Et bah, le jeune Corey va avoir de cesse que de grandir dans un environnement finalement assez particulier et extrêmement, extrêmement éveillé dès son plus jeune âge sur, bah, justement sur des musiques obscures et spécialement des vieilleries enregistrées sur disque 78 tours. Quand il a 5 ans, le père du jeune Corey lui ramène un gramophone à la maison, un gramophone lui-même d'occasion totalement usé et un 78 tours. Qui comprend une chanson elle-même mythique de Henry Burr, qui chante « Beautiful Ohio ». C'est un enregistrement de 1905. On est dans ces enregistrements comme ça, très quasiment communautaristes, si vous voulez. Et le jeune Corey, qui ne s'appelle pas encore Tiny Tim, est totalement épris de ce morceau-là. Et il va s'immerger, à partir de ce moment-là, dans les musiques du passé, et uniquement des musiques du passé. Donc, Bing Crosby, Bill Murray, Reddy Valley, enfin, tous ces noms-là, comme ça, à la fois de glamour d'entre-deux-guerres, de guimauve plus ou moins affirmé. Et de fait, il rêve d'être chanteur. Et dès cet âge-là, finalement. Et il va y arriver. Il va y arriver, finalement, plutôt vite. Et ses premiers concerts, qui, eux, vont être faits au début des années 50, hein, il a à peine 20 ans, Tiny Tim. Et puis, alors, en plus encore dans les années 60, ben ça va se passer dans un cabaret new-yorkais lesbien, à Greenwich Village. Et contre toute entente, ça marche très très bien. Tiny Tim fait vraiment le bonheur de ces dames, et puis du coup, il se retrouve engagé comme artiste régulier, en étant probablement, dit-on, une des rares et uniques présences masculines dans ce cabaret. Alors, de fait, pendant toutes les années 50, 60 aussi, Tiny Tim va s'exercer à plein de pseudonymes différents. Alors dit-on, pour que ses parents ne le retrouvent pas, parce que c'était chanté dans un cabaret lesbien, ça passait pas très très bien, voilà, c'est une famille un petit peu orthodoxe, enfin bref, fallait mieux pas être trop démonstratif apparemment, mais on n'en sait pas trop quand même sur cette histoire-là. Après, bah, voilà, y a des pseudos qui se suivent, qui ne se ressemblent pas. Et quand bien même le petit Corey veut se cacher, bah finalement, ça ne va pas marcher si longtemps que ça. Ses parents vont bien découvrir qu'il chante dans des cabarets. Et en fait, ils vont dire, mais c'est vachement bien. C'est, continue, mon fiston, tu tiens quelque chose. C'est merveilleux. Tiny Tim dit, bah voilà, je vais pouvoir... c'est un coming out. Je peux devenir le vrai chanteur que je veux être. Et il va donc adopter le pseudonyme de Tiny Tim en 62. Et il l'adopte, pourquoi ? C'est quasiment contraint. Il se trouve que son manager le programme sur la scène d'un club qui est spécialisé dans les spectacles de nains et de lilliputiens. Donc du coup, bah, Tiny Tim, il est presque obligé de montrer oh, « bah, je suis des vôtres, allez, je m'appelle Tiny Tim ». On est aux États-Unis, c'est formidable, vive l'Amérique. Et là, bah, ça va marcher, encore plus. Hein. Mais surtout à partir de 1962, et rappelons-nous que nous sommes à New York, Tiny Tim va croiser toutes les figures de l'underground en germe de ce moment-là. L'underground vraiment au sens propre, au sens où on l'entend. Et de fait, il va devenir une figure de l'underground. C'est notamment le cas quand Tiny Tim rencontre le cinéaste et acteur américain Jack Smith. Jack Smith, c'est le cinéma underground new-yorkais. Il est le réalisateur notamment du mythique Flaming Creatures, qui date de 1963. C'est un film totalement orgiaque, hein, alors complètement à l'encontre des standards hollywoodiens. C'est un film qui est sorti comme ça, enfin, c'était même pas une sortie officielle, mais le film est culte à jamais. Vous voyez en 63 des scènes orgiaques à peine dissimulées. L'actrice principale est Marianne Zazila, qui va être la partenaire et compagne de Lamonte Young. Et Tiny Tim, lui, va figurer dans un autre film de Jack Smith, Normal Love, c'est un film de la même année d'ailleurs, 1963. Voilà. Et à côté de lui, d'autres figures de l'underground certifiées. Mario Montez, hein, travesti superstar échappé de chez Andy Warhol. Mario Montez, évidemment, empruntant son pseudonyme à Maria Montez. Dans d'autres figures aussi, et là, de musiciens certifiés et qu'on a déjà évoqués ici, Angus MacLise et Tony Conrad. Donc l'un et l'autre sont des musiciens échappés du Theatre of Eternal Music de Lamonte Young. Andy MacLise, lui, sera membre fondateur du Velvet Underground avant de partir tirer sa référence finalement aussi vite et avant l'apparition du premier album. Tony Conrad, oui, bien sûr, va rester un proche de Lamonte Young et s'en échapper aussi à son tour et être un petit peu le violoniste minimaliste avant-garde qu'on connaît. Au milieu de tout ça, Tiny Tim, lui, et je reste dans le film de Jack Smith, il chante deux reprises, toujours des reprises. La première, c'est Be My Baby, des Ronettes, voilà, Phil Spector, c'est Ronettes. Et l'autre, c'est I Got You Baby de Sonny Onesha. Ça va être d'ailleurs un titre phare dans son univers de reprise, hein, puisqu'il va figurer en bonne place dans God Bless Tiny Tim et sera aussi rechanté dans différentes moutures sur des shows télévision, sur des scènes de concert, etc. Toujours au milieu des années 60, même au début, Tiny Tim est donc en prise avec la scène underground, mais aussi avec la scène folk, si vous voulez, de Greenwich Village. Il va rencontrer Robbie Robertson. Donc Robbie Robertson, c'est le membre principal du groupe The Band. Donc The Band, le groupe de Dylan. Donc il y a aussi, chez Tiny Tim, une proximité avec ces gens-là. Et Robertson et lui vont d'ailleurs jouer ensemble. Et là, c'est là qu'on ne comprend pas. Au même moment, enfin pas longtemps après, Tiny Tim devient une star qui se produit à Las Vegas, qui joue pour 50 000 $ par semaine dans des casinos de Las Vegas. Au milieu des années 60, 50 000 $ par semaine, c'est énorme. C'est absolument énorme. Et totalement à l'inverse des stratégies underground que j'évoque là, Tiny Tim va se produire dans des shows télé extrêmement populaires, et notamment l'émission Love In. Il y est au moins trois fois au début de sa carrière, il y retournera après. Love Inc., alors c'est aussi une émission à la con, c'est pas mal l'expression qui nous a pas touché nous, mais le principe, bah, c'est de faire des émissions totalement rigolotes où les invités vont exploser de rire aux éclats, mais tout ça autour de stars d'Hollywood. Tiny Tim va participer à une émission Love Inc. aux côtés de John Wayne. Donc voilà, on est dans ces carrures-là et on est dans ce mainstream-là. Ah, et puis question de l'underground de Jack Smith, hein, vous l'avez bien compris. Mais ce qui est incroyable, c'est que les deux se passent en même temps. Et c'est justement dans une de ces émissions que Tiny Tim va chanter pour la première fois l'immense reprise qui va lui valoir un succès ad vitam aeternam, finalement, ce fameux Tiptoes to the Tulip with Me. Tiptoes to the Tulip. Non, je ne peux pas chanter, vous allez entendre, c'est terrifiant. Et c'est un succès immédiat, mais propulsé tout de suite par la télévision. Le 45 tours sort dans la foulée, ça se vend comme des petits pains. Tiny Tim est une star. Le restera-t-il ? Ça, c'est une toute histoire. Mais du coup, tout est fait en 1968 pour accueillir le premier album de Tiny Tim, très modestement intitulé « God Bless Tiny Tim ». Et c'est un miracle. En fait, c'est un miracle d'expression singulière, parce que c'est exactement, finalement, à la croisée des deux phénomènes que je décris là. C'est-à-dire un phénomène totalement populaire, mais aussi entièrement contre-culturel. Quasiment anarcho-nihiliste, mais évidemment à destination de gens qui ne s'en rendent pas compte. Alors ce disque, qu'est-ce que c'est ? Des reprises de vieilles chansons. En fait, la seule chanson vraiment connue, hein, c'est le I Got You Babe que chantait Sonny and Cher. Hein, les autres ne le sont pas du tout. Et des reprises de disques complètement oubliés, sous format 78 tours. Quoi. Ce qui est totalement extraordinaire, c'est que dans ce registre-là, Tiny Tim est un véritable érudit. Mais absolument. C'est pas même un opportuniste, c'est un érudit qui, comme le biais d'ethnomusicologiste, si vous voulez, aura réussi à dégoter, à retrouver, parce que c'est sa passion depuis son plus jeune âge, des disques et des ritournelles absolument oubliés. Et finalement, on décidera de les remettre au goût du jour, mais sans même chercher à faire moderne. Et croyez-moi, quand vous allez entendre le disque, vous allez comprendre de quoi je parle. Donc cet album, et c'est là qu'il est intelligent et presque savant, c'est que finalement, c'est quand même véritablement un concept album. Un faux live, en fait, la plupart du temps, il y a des applaudissements ajoutés, mais évidemment, c'est pas un vrai concert. Quand bien même Tiny Tim fera des disques live, mais c'est plus tard. Et il y a quand même dans cet album des arrangements de pop psychédélique qui sont bien plus surprenants qu'il n'y paraît. Le disque est produit par le producteur de Captain Beefheart. En tout cas, le producteur du premier album de Captain Beefheart, c'était Richard Perry, qui avait donc produit Safe as Milk, disque historique de Captain Beefheart. Il y a des arrangements très très fins aussi, par un arrangeur, orchestrateur, Artie Butler. Alors c'est des gens qui travaillent beaucoup plus, évidemment, avec le milieu de la variété, de listening, hein, n'ayons pas peur des mots. Néanmoins, il y a des touches extrêmement fines qui ne sont pas si communes que ça à l'époque, et qui sont plutôt finement exploitées. Un petit piano électrique, une réverbe, il y a même de la fuzz, une fuzz guitare et des modulations étranges. Et tout ça au service d'une forme d'élégance, de tact, de brio et d'humour finalement camp, qui a rarement été égalé par la suite. Des lyrics à mourir de rire et deux fois de suite, quoi. Genre, je traduis, voilà. Ne battez pas votre grand-mère avec une pelle, ça fait mauvaise impression. Voilà, donc, Tiny Tim est là. Et il est temps que maintenant que je vous laisse un petit peu dans cette découverte, parce qu'évidemment, ça va être une découverte pour beaucoup d'entre vous. C'est un disque que j'ai, en fait, je crois, jamais écouté en entier, sauf finalement au moment de préparer cette émission. Et je crois que je vais être content de le réécouter quand même en entier. Parce que oui, finalement, oui, c'est un concept album. Et oui, c'est un bon album. Mais évidemment, on est... c'est pas le nouveau My Bloody Valentine, pour citer finalement le disque que je m'étais plu à décrire dans les colonnes de Cargo Cult la semaine dernière. Alors bonne écoute et bonne découverte donc de cette incroyable voix de falsetto, cette voix de fausset donc si caractéristique, et ce ukulélé de Tiny Tim. Welcome to my dream, and how are you? Will you be here long, or just passing through? Brush off that stardust, where have you been? Don't tell me my rainbow was late getting in. Welcome to my dream, it now seems real. You're what it needed to make it ideal. So glad you got here, and I hope you can stay. But welcome to my dream. Record at last, and it feels so wonderful to be here with you on my first album. I'm so happy, oh, happy, that lucky me. I just go my way, living every day. I don't worry, worrying don't agree. Things that bother you never bother me. Living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time. Having got a lot, I don't need a lot, coffee's only a dime. Living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time. Just take it from me, I'm just as free as any daughter. I do what I like, just what I like, and how I love it. I'm right here to stay when I want to pray. I'll be right in my prime. Living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time. Just take it from me, I'm just as free as any daughter. I do what I like, I like and how I love it. Isn't this a lovely band? And what a thrill it is to have them play for me. And now, a little duet for you. On the old front porch, oh, Charlie, on the old front porch. Now stop, I was only trying to steal a little kiss. Well, kisses to invite me, dear, but please don't act so tightly. On the old front porch, now don't get angry. On the old front porch, now stop. Everything is lovely when you're cuddled near me, dear. Look out, here comes my father, and he'll surely scold. Will that young man go home tonight or have his breakfast here? On the old front porch, oh Charlie, on the old front porch. Just call out some other dawn. I'll see that pause out of sight. Wait until it's dark, then you can be cuddled right on my knee, so that we can do lots of nice things that no one can see. And if your dreadful old pa should come out and give me a jar, you must understand if it's dark, that's grand, cause the kick he aims will never land. Out on the old tonight or have his breakfast here. On the old front porch, oh Charlie, on the old front porch. Story of that old snake in the grass called the viper. I was in my apartment all alone when I heard a ring tingling on the telephone. I said, who's that at 3:30? And a frightening voice came back at me. I am the viper. I'll see you. 7 weeks. My head was spinning and my knees were weak. I could hardly stand on my own 2 feet. Its next call got me out of bed, and how I flipped when that voice said, I am the viper. I'll see you in 7 days. I shook like jello in a hurricane. My heart was pounding like a Pullman train. Again that voice upset me so. Again I flipped as it said, oh, oh. I am the Viper. I'll see you in 7 seconds. Now I'm certain that my time has come. I can hear its knock. It's too late to run. I know that I must let it in. So wish me luck, 'cause things look grim. I am the Viper. Oh, why have you come? I have come to wipe your windows. Down below, caught the devil talking to his son, who wanted to go up above, up above. He cried, it's getting too warm for me down here, and so I'm going way far up where I can have a little fun. The devil slowly smiled, and then he answered his son, stay down here where you belong. Folks who live above you don't know right from wrong. Who believes their king, they all come now to war. And not a one of them knows what he's fighting for. Way up above, they say that I'm a devil and I'm bad. Kings up there are bigger devils than your dad. They're breaking the hearts of mothers, making butchers of their brothers. You'll find more heat up there than there is down below. Kings up there, they don't care for the mothers who must stay at home. Their troubles are fair, stay at home. Don't you roam. Although it's warm down here, it's warm up there. If you go way up there, my son, I know you'll be surprised. You'll find a lot of people who are not civilized. Stay down here where you belong. The folks who live above you don't know right from wrong. Who believes their king, they've all gone out to war. And not a one of them knows what he's fighting for. Way up above, they say that I'm a devil and I'm bad. Kings up there are bigger devils than your dad. They're breaking the hearts of mothers, making butchers of their brothers. You'll find more heat up there than there is down below. Hit your grandma with a shovel. It makes a bad impression on her mind. All I want is $50 million and sealskins to protect me from the cold. If I only knew how stocks would go in Wall Street, and we're living in a mansion built of gold. If I only owned the Pennsylvania Railroad, and if Tuesday Weld would only be my wife. My feet. can see this one over here, you lovely thing. Why, it's beautiful, Miss Clear, and Miss Corkin, and Miss Robin. If I could have them all, why, I tell you, I tell you. Then I know that I'd be satisfied with life. Love. Riding through the seaweed, what strange things I see below. Cars are waiting. seagull flies in search of land. The children hide beneath the sand as golden toys come floating down. I play the fish, I swim around. Flying through the ceiling, what strange things I see below. Cars are waving, windshields whining, nowhere left to go. Let everyone sing about those melting ice caps, how they're coming down into the sea, and let us all have a swimming time as we sing. The birds are coming, the birds are coming, the birds are coming, the birds are coming, the birds are coming, the birds are coming, the birds are coming, the birds are coming, the birds are coming, the birds are coming, the birds are coming, the birds are coming, the birds are coming, the birds are coming, the birds are coming, the birds are coming, the birds are coming, the birds are coming, the birds are coming, the birds are coming, the birds are coming, the birds are coming, the birds are coming, the birds are coming, the birds. I've got to see a doctor, cause there's something wrong with me. What can it be? What can it be? I know it is a tinned digestion, it is a tinned digestion. It's just my poor old brain, it feels so queer. Since you are near, dear, ever since you told me that you love me, I'm a nut, I'm a nut. Ever since you said those words, sweetheart, I'm a bug, I'm a bug. Can't even eat. Something's wrong with both my feet. I bump into people on the street. Like a fool, like a fool, like an awful fool. Ever since you said you'd like to kiss me, I'm a nut, I'm a nut. Darling, I'm as steady as can be. Oh, can't you see? I lie awake all evening till the dawn begins to peep. The brothers gave me something for a hang if I can sleep. Ever since you told me that you know. Daddy, daddy, what is heaven like? Is the it like our hearts so pretty and white? I don't understand, it doesn't seem fair. If mommy loved us so, why'd she go there? Heaven, my son, is a beautiful place where there's a smile on everyone's face. Us both, but she had to go. We needed her so, but they needed her more. Daddy, Daddy, is heaven very far? How long would it take if we go by car? If you cross me at the corner, I can take my bike. Daddy, please tell me what's heaven like. You can go there by bike or a car, but if you're good, you'll go very far, and maybe someday. Saved a place for you. Daddy, Daddy, I can hardly wait. I'm so excited, heaven sounds great. Can I run and tell brother goodbye? Why is there, Daddy, a tear in your eye? The first to laugh when Mrs. Jennings took a bath and left the window open for the neighbors. But had we looked, we might have seen that she was really very clean and given her the credit of her labors. And Mr. Jennings, where was he, the man that we had asked to see? And who were we to think that it was funny? When as she raised the glass, she said she wasn't sure he might be dead or somewhere making love to all his money. She held her breath expectantly while everybody stared at me as I approached to greet Miss Mary Blooming. I tweaked her nose and kissed the tip. I wiped the powder from my lip, and just because I did it left her fuming. I almost gave myself away when Captain Graves came up to say, glad to see me home, and he was tickled. And now I'm sure I had excused the way I used to be abused. It was worth it all to see him tickle. The atmosphere was getting thick, the guy beside me looking sick. I would have helped, at least I thought I ought to. He flashed me an appealing grin. Stopped and took the feeling in. I wasn't sure, but something told me not to. I knew I couldn't take much more. I started making for the door, and as I passed my date, I let her kiss me. I grabbed my coat and stepped outside. I stuck my thumb out for a ride, departing knowing they would never miss me. Nighty night, little angels. Nighty nights. And now, my dear friends, I'd like to dedicate this song to all of you out there, wherever you may be, north, south, east, or west, to everyone all over the world, this song is for you. Heart with love today, don't play the game of time. Things that happen in the past happen in your mind, in your mind, oh, in your mind, in your mind. Forget your mind and you'll be free. The dragons have been bled. Loveliness is everywhere. Fear's just in your head. In your head, oh, in your head. In your head, forget your head and you'll be free. The writing's on the wall. Free. And you can know it all. If you choose, remember lovers never lose. They are free of thoughts unhuman and of thoughts unkind. Gentleness can clear the head. Love can clean the mind and make it free. Remember, lovers never lose. They are free. And now, because you've all been so sweet, another duet for you. They say we're young and we don't know, won't find out until we grow. Well, I don't know, I guess it's true, 'cause you got me and baby, I got you. Babe, I got you, babe. I got you, babe. They say our love won't pay the rent before it's earned. Our money's always spent. Well, I don't know. We ain't got no plot. Still, I'm sure of all the love we got. Babe, I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. When I'm sad, you're a clown. When I get scared, you're always around. Some people say your hair's too long. I don't care. With you, I can't go wrong. So put your little hand on in my heart. There ain't no hill or mountain we can climb. Babe, I got you, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got you, babe. Oh, thank you, thank you, thank you. How wonderful you are. God bless you all. How so wonderful. Thank you. Thank you. the prime of my life. I find I have the time of my life, learning to enjoy at my leisure all the simple pleasures, and so I happily conceive. This is all I ask. This is all I beautiful girl, walk a little slower when you walk by me. Lingering sunsets, stay a little longer with a lonely sea. Children everywhere, when you shoot at bad men, let me take me to that strange enchanted land. Grown-ups seldom understand. Wandering rainbows leave a bit of color for my heart to own. Stars in the sky make my wish come true before the night has flown and let the music play. As long as there's a song to sing, and I will stay younger. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur? Bye! Au revoir, Tiny Tim! Au revoir, Tiny Tim! Alors, c'est pas le meilleur disque du monde, ça? Bon, merci d'avoir alors, vraiment réagi à qui mieux mieux sur le chat de Pinot. Vous êtes très en verve et je vois que Tiny Tim vous stimule. Bah oui, comment pas être stimulé par une figure comme ça? Vous aurez noté que j'ai préféré la version vinyle, hein, que j'ai repiqué comme un grand avec tous ces petits qui craquent et tout. Bah oui, ça donne de la vie au disque, mais en fait, il y a aussi une référence au caractère strictement encyclopédique quoi, de Tiny Tim. En fait, ce travail, c'est un vrai tour de force. C'est quelque chose de quasi scientifique. Bah alors évidemment, déguisé, maquillé, sous oripo, Power Camp, queer, mais alors queer sans le dire trop non plus, c'est un truc un peu, c'est encore un mystère aussi de chez Tiny Tim, et probablement entretenu, parce qu'il y a une notion de storytelling finalement dès les années 60, hein, qui est très très propre à la culture américaine, hein, et qu'elle soit underground ou overground. Tiny Tim, il va se marier en fait, et puis donc avec des femmes, plusieurs fois, trois fois. Le premier mariage de Tiny Tim, c'est un mariage télévisé. C'est en 1969. Il y a 40 millions de téléspectateurs devant leur écran. 40 millions de téléspectateurs qui jettent des fleurs et des grains de riz dans leur salon en même temps que sur l'estrade de mariage du truc, quoi. Bon, et c'est un mariage qui capote super vite. Donc en plus, évidemment, c'est... Bon, c'était pas fait pour marcher, mais c'était fait pour faire spectacle. Il va y avoir trois mariages de Tiny Tim. Alors le deuxième, je suis pas fait le carnet de balles non plus, mais le troisième et le dernier est intéressant parce que c'est à 62 ans que Tiny Tim va épouser une femme de presque 25 ans de moins que lui, qui elle a 39 ans. C'est une femme qui est diplômée de Harvard et qui est en fait une fan absolue de Tiny Tim depuis qu'elle a 12 ans. Ce qui fait que 25 ans après, elle va épouser son idole. Et entre-temps, elle est au relais d'un titre de docteur à Harvard University. Voilà, ben c'est ça Tiny Tim. C'est ça, c'est toutes ces légendes-là. Et pour le peu, elles ne sont pas strictement fabriquées. Il y a sûrement un moment où on peut avoir des doutes sur certains trucs, parce que le storytelling, c'est ça. Mais voilà, on est quand même dans une figure, dans un hommage à la culture cabaret. Quelque chose qu'en France aurait pu d'ailleurs passer presque de bien avant dans un registre d'opéra bouffe, hein, finalement, ou du musical du début du siècle. Donc il y a aussi ce lien-là qui est fait. Il y a chez Tiny Tim, et alors là je vais oser un parallèle, mais quasi... Enfin, on peut tout oser avec Tiny Tim, c'est ça qui est bien, parce que lui, de toute façon, osait plus que vous et moi. Hein, donc allons-y. Mais il y a des faits d'armes fabuleux chez Tiny Tim. Alors il y en a un qu'il faut que je vous raconte. Et de fait, c'est un fait d'armes très connu, mais son making-of est sublime. C'est que Tiny Tim a été invité par les Beatles, en fait, à chanter sur le Christmas Record de 1968. Le Christmas Record, ça, c'est très culte chez les Beatles. C'était un disque souple qui avait été destiné aux fans à l'occasion, bien sûr, du Christmas de 1968. Donc ça, c'est l'année faste pour Tiny Tim. C'est l'année de parution de l'album qu'on a écouté aujourd'hui, God Bless Tiny Tim. Et donc Tiny Tim, il est invité par George Harrison lui-même. Et il lui demande de venir dans sa chambre d'hôtel à Manhattan. Et puis Tiny Tim se souvient, il évoque cet événement. Et là, je le cite, j'ai dit à George Harrison, c'est un plaisir de vous rencontrer. Un membre d'un des plus grands groupes de l'histoire de la musique populaire. Puis il a ajouté, est-ce que ça vous gêne que je chante une chanson ? Donc George Harrison a répondu, non, allez-y. Alors Tiny Tim va chanter Nowhere Man. Bien sûr, une chanson des Beatles, qui date de 1966, si je ne me trompe pas. La reprise, bien sûr, en falsetto, méthode Tiny Tim, quoi. George Harrison l'interrompt immédiatement, il sort en magnétophone et il lui dit « Est-ce que, Tiny Tim, vous voulez bien dire « Merry Christmas, Beatles » et puis enchaîner sur la chanson ?» Eh bien, ça va être fait. Les Beatles ont utilisé cet enregistrement donc, sur leur message de Noël, sur le fameux flexi-disc donc, destiné au fan club en 1968, en décembre 1968. Donc on peut l'entendre, cette version. Mais mieux encore, et ça fait partie des miracles du web, en fait, la conversation elle-même entre George Harrison et Tiny Tim existe. Et là, c'est la cerise sur le gâteau que je vous offre maintenant. C'est effectivement la discussion plus la reprise de Nowhere Man. Donc Tiny Tim au micro de George Harrison en 1968. We have a special guest here this evening, Mr. Tiny Tim. I'd like to ask him to say a few words. Oh, hello to you nice Beatles. It's so wonderful and what a thrill it is talking here in Mr. Harrison's presence, Mr. Weiss's presence and all his nice wonderful friends. And the thing is, I just want to say Merry Christmas to you all, and a Happy New Year. Oh, thank you, Tiny. Would you like to sing us a little song? Oh, I love it. Here's a song I did in 1966 in front of Miss Jill for the first time. And I did this in Albert Hall, and what a thrill it was to do this then and now. I did it then. He's a real nowhere man, living in his nowhere land, making all his nowhere plans. Nobody has got a plan. dear, God bless you, Tommy. God bless you. Voilà, la chambre d'hôtel de George Harrison, un soir de 1968 à Manhattan, avec Tiny Tim pour cette improbable et géniale, évidemment, reprise de Nowhere Man. Alors, je rappelais que Tiny Tim avait été totalement, il n'était absolument pas connu en Europe, mais en fait, si, il y a un petit peu une exception en Angleterre. Évidemment, il y a quand même la langue qui fait qu'il y a une proximité et que, ma foi, toutes les connotations double entendre de Tiny Tim pouvaient trouver oreille et probablement, à mon avis, plus facilement et de manière plus subtile chez oreille anglaise que chez oreille typiquement américaine. Et quand Tiny Tim n'était pas sur les planches de Las Vegas, il a gagné d'ailleurs des cachets faramineux. $50 par semaine dans les années 60, c'est waouh, pas mal. Mais pouvait aussi apparaître dans des grands registres de festivals hippies, absolument contre-culturels, et à l'opposé évidemment de l'esthétique et du bling-bling américain de type Las Vegas. Ça va être le cas où en 1970, Tiny Tim va se produire sur la scène du festival bien connu de l'île de Wight, devant... parterre de 500 000 personnes. 500 000, oui, je crois même qu'officiellement, il y avait 600 000 personnes à l'île de Wight, c'est vous dire, c'est plus gros coup de stock. Et là, il va interpréter la chanson patriotique « There will always be an England ». C'est une chanson patriotique qui était faite pour encourager les jeunes soldats qui allaient servir de chair à canon dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment une chanson qui est scandée à partir de 1939. Quoi. Presque, ça, c'est un deuxième hymne national. « There will always be an England ». Et Tiny Tim va la reprendre devant le public contestataire de l'île de Wight à l'aide d'un mégaphone, d'un porte-voix, comme un cégétiste suractivé. Et là, devant une foule entière qui rentre en délire total. En délire total. Et ce geste-là, en fait, c'est l'équivalent totalement burlesque et grand guignol de ce qu'a fait finalement Jimi Hendrix à Woodstock, avec cette reprise évidemment incendiaire, hein, au sens propre comme figuré d'ailleurs, de l'hymne américain Star Spangled Banner. Et rappelez-vous, Hendrix, il brûle sa guitare. Ben voilà, il y a quelque chose d'aussi fort que ça, chez Tiny Tim, en 1970, devant le public de l'île de Wight. Alors, est-ce que ça fait de Tiny Tim une figure politique? Est-ce que ça en fait une espèce de figure situationniste? Je tentais de le croire, absolument. Et déjà même rappeler l'origine du pseudonyme Tiny Tim. Il ne l'a jamais dit, mais Tiny Tim, au départ, c'est un missile. C'est la fameuse Tiny Tim Rockets, qui est un missile qui a été mis en service par l'US Navy à partir de 1944. C'est un missile très stratégique, hein, qui a probablement d'ailleurs accéléré la victoire des Alliés face à l'ennemi, et particulièrement sur la flotte japonaise, puisque c'était des missiles air-sol, quoi. Et donc, principalement destinés à bousiller la flotte ennemie. Et Tiny Tim prend son pseudonyme là. Pas mal, pas mal. Et évidemment, il n'y a jamais rien de frontal chez Tiny Tim. Il ne peut pas se permettre, mais il y a forcément, et ce constant double entendre, qui force le respect. Et alors, respect pour le peu qui, je rappelle ce que je disais en introduction, a fini par séduire des générations qu'on suivit après. D'abord les Residents, et ça, c'est pas étonnant. Faites un tour sur le web, allez regarder la tête de Tiny Tim, c'est parfait. C'est même pas la peine de mettre un masque. Il peut être dans les Residents comme ça, quoi. Trêve de plaisanterie, mais c'est vrai que ça marche. Il y a quelque chose qui marche. Tiny Tim va aussi donc se séduire après, bah oui, dans les années 2000 et même 2010, bah, plus tard maintenant, Deer Hunter, Animal Collective, et j'en oublie sûrement. Mais pour le peu, c'est une réhabilitation qui est quand même tardive. Le phénomène Tiny Tim, c'est ce qui est intriguant, c'est que c'est un phénomène finalement qui dure, mais qui ne dure pas. C'est-à-dire que l'album qu'on vient d'écouter et qui forcément rentre dans l'histoire va être truffé après d'autres petits albums beaucoup moins intéressants, et puis du coup Tiny Tim va finir par se parodier lui-même et puis aller dans le registre de reprise d'ailleurs, alors évidemment incongru, Mais bon, ça marche pas tout le temps. Et autant des, reprendre des titres extrêmement obscurs de demi-folklore américain de l'entre-deux-guerres et faire après des reprises comme celle... Alors, il a repris Highway to Hell de AC/DC, Stayin' Alive des Bee Gees, I Love Rock'n'Roll de Joan Jett. Voilà, il reprend du Bon Jovi, Do You Think I'm Sexy de Rod Stewart. Oui, OK, mais bon. Finalement, ça va pas plus loin que ça. Même si, il y aura toujours une petite proximité quand même avec des scènes plus underground. Tiny Tim sera notamment en guest star sur scène du groupe Camper Van Beethoven, un de ces groupes indie folk assez pionniers hein, dans finalement ce qu'on appellera après le low folk, le trash folk. On y viendra sûrement un jour, tiens d'ailleurs sur Camper Van Beethoven ici. Mais voilà, donc il y avait cette union des contraires qui forcément marche bien quoi. Le fait est que Tiny Tim va réussir aussi un truc que tout artiste veut faire. Il meurt sur scène. C'est pas beau, ça. Il meurt sur scène dans le Minnesota, en fait, en 1996. Alors, bon, non, il meurt pas sur scène. Il va mourir en route. Il va être dead on arrival à l'hôpital central de Minneapolis. Mais bon, il quitte la scène. Et sur son morceau le plus célèbre, hein, c'est-à-dire le Tiptoes of the Tulips with Me, et finalement, quelque part, c'est une consécration. Il y a avec lui sa jeune femme qu'il a épousée donc juste un an avant, cette femme dont je mentionnais le parcours assez incroyable, puisqu'elle est diplômée d'Harvard, et à 39 ans, elle épouse son idole de jeunesse, dont elle était fan depuis l'âge de 12 ans. Voilà. Et sera donc la dernière femme compagne de Tiny Tim, sur un an à peine. Et c'est elle qui l'accompagnera dans ses derniers moments. Et ma foi, sur les dernières notes du morceau, des reprises de Tiny Tim. Auquel cas, je me propose, rien que pour faire plaisir aux enfants de Database et à tous les auditeurs qui ont extrêmement aimé aujourd'hui Tiny Tim, les auditeurs et leurs enfants, hein, c'est parfait, c'est multigénérationnel, faites-le écouter à vos mamies, elles vont kiffer aussi. Et donc, repartons une dernière fois avec cette citation de Tiny Tim. Impossible de s'en lasser. Merci d'avoir été présent aujourd'hui et à la semaine prochaine.